J'ai demandé à ma plume. Ne me fais pas perdre mon temps. Ce dernier est le joyau le plus précieux que je connaisse. La vie me saigne puis me caresse sans arrêt, donc je la quitte un peu chaque jour que Dieu fait réapparaître. La crème de la poésie s'ennuie et fume dans vos escaliers. Toi tu sais pas ce qu'on peut faire avec une plume et un cahier. On est trop pressé mais on va durer comme ces chansons volées par Elvis Presley. Les mains moites à écrire comme un moine. Je ne lâche pas qu'on m'aime ou qu'on m'aime moins. Et dans ces bâtiments, aucun bâtiment, juste les futurs hommes et femmes qui vont bâtir. Mais qui me dit que l'un de nous fera son trou? Ma famille musicale est maudite comme les Kennedy. De Bonaparte à Chirac, tous te diraient leur chance. Il paraît qu'un parrain meurt sans connaître la maison. J'arrête. J'ai demandé à ma plume d'y aller doucement, mais doucement. En douce, je monte et eux dévalent la pente. Je n'ai connu aucun putois crier qu'il pue sur tous les toits et tous les vers veulent baiser une étoile. J'ai demandé à ma plume d'y aller doucement, mais doucement. En douce, je monte et eux dévalent la pente. Je n'ai connu aucun putois crier qu'il pue sur tous les toits et tous les vers veulent baiser une étoile. Je sais que dans vos légendes, on devient les méchants. J'ai des actions dans vos fentes, en parlez-vous sur ma troisième jambe? Vous avez peur de qui? Attends, où se péter? La France a de gros seins, du lait pour qu'on puisse tous téter. Je viens tuer par amour dans le film de vos vies, produit par Dieu comme la fiction par Paramount. J'ai mis vos villes à fleurs et à son car nos existences sont vides comme un vulgaire vaudeville. Poussière de nous, de pauvres enfants, on a provoqué la fin sans en comprendre le commencement. On fait semblant de se croire et de s'aimer, mais c'est le faux qu'on a semé, on ne sait plus quand et comment on se ment. J'aime à croire que demain est le meilleur, quitte à me faire des frayeurs pour oublier, j'aime à boire. Délicate tueuse, venez dans mes bras, les liqueurs me noient, purgerai ma peine jusqu'à ce que le ciel j'ai broie. J'ai demandé à ma plume d'y aller doucement, mais doucement. En douce, je monte et eux dévalent la pente. Je n'ai connu aucun putois crier qu'il pue sur tous les toits et tous les vers veulent baiser une étoile. J'ai demandé à ma plume d'y aller doucement, mais doucement. En douce, je monte et eux dévalent la pente. Je n'ai connu aucun putois crier qu'il pue sur tous les toits et tous les vers veulent baiser une étoile. Ce bouquin représente un trésor. Ce sont les grands écrivains qui réjouissent nos cœurs depuis des siècles, non? Donne à un auteur une heure ou deux pour te séduire et s'il échoue, trouve-en un autre. Comment ne pas torturer sous cette terre? J'éternue des textes, ce monde me rend malade, de toute façon je finirai sous cette terre. L'hôtel de vos ouïes me sert de Kleenex, la nostalgie fut mienne, mais à présent elle n'est plus qu'une ex. Ma hache brille, lui il est par les larmes d'une victime. Moi et Mary marquons des points un peu comme la Dream Team. Venu de l'île où l'on répond, bois sec à Tim Tim. Je soliloque car dingue est le bourreau Big T. J'ai demandé à ma plume d'y aller doucement, mais doucement. En douce, je monte et eux dévalent la pente. Je n'ai connu aucun putois crier qu'il pue sur tous les toits et tous les vers veulent baiser une étoile. J'ai demandé à ma plume d'y aller doucement, mais doucement. En douce, je monte et eux dévalent la pente. Je n'ai connu aucun putois crier qu'il pue sur tous les toits et tous les vers veulent baiser une étoile. J'ai demandé à ma plume d'y aller doucement, mais doucement. En douce, je monte et eux dévalent la pente. Je n'ai connu aucun putois crier qu'il pue sur tous les toi et tous les vers veulent baiser une étoile. J'ai demandé à ma plume d'y aller doucement, mais doucement. En douce, je monte et eux dévalent la pente. Je n'ai connu aucun putois crier qu'il pue sur tous les toits et tous les vers veulent baiser une étoile.